Bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, bienvenue à ce journal, la grande édition de la mi-journée de ce samedi. Tout d'abord, les titres. Le gouvernement burundais pourra participer au prochain sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine prévu au cours de ce mois de décembre. Sinon, le président de la République pourra déléguer. Cela a été dit par Jean-Claude Karegwa, porte-parole du président lors de l'émission publique de ce samedi. Certains habitants de la capitale et ceux de l'intérieur du pays ont fait une marche de manifestation pour protester contre une vidéo publiée par la station internationale BBC. Et plus de 80 000 plants d'arbres ont été plantés ce samedi dans la commune Kabezi lors de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Le premier vice-président de la République, Gaston Sidimo, appelle les habitants de la capitale à utiliser d'autres produits de substitution du charbon. Il s'observe une insuffisance de doses de vaccination contre la rage dans la province de Gitega. Les habitants dont les chiens n'ont pas été vaccinés grognent. Dans quelques instants, les détails dans cette édition qui est mise en onde par Elika Dogo. À la présentation, Moïse Misago, bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons cette édition par la page Société. Plus de 125 maisons et 3 salles de classe ont été détruites par la pluie mêlée de vent violent qui s'est abattu dans 3 jours successifs sur les collines Ndava et Nyamitanga de la commune Buganda. Nous sommes dans la province de Chibitoke. L'administration communale indique que beaucoup de champs de culture ont été endommagés. Bigirimana Emmanuel, administrateur de la commune Buganda, précise que les listes des victimes sont en cours de confection pour les acheminer à ses supérieurs. Ils demandent à tout bienfaiteur de leur venir en aide. Page politique, le forum des partis politiques agréés au Burundi se dit surpris par le contenu du rapport global du médiateur dans la crise burundaise. Ce forum déplore que certains points de convergence aient été inversés dans ce rapport. Dans une déclaration de ce forum de ce vendredi, Félicien Ndou Burundi, président de ce forum, dit que même la lettre du président ougandais à son homologue burundais montre que ce dernier a perdu son caractère de médiateur. Suivez Félicien Ndou Burundi, il est président de FDP. Aujourd'hui, le forum de dialogue des partis politiques agréés au Burundi vient de tenir un atelier dans lequel on a fait une analyse approfondie du rapport du facilitateur du dialogue inter-burundais et la lettre écrite à notre excellence, le président de la République du Burundi. Quant au rapport synthèse du dialogue inter-burundais tenu à Arusha, nous avons vu qu'il y a eu certains manquements. Par exemple, il y a eu des points de convergence et des points de divergence. On a vu qu'il y a eu certains points de divergence qui sont devenus des points de convergence et vice-versa. On peut citer par exemple, concernant l'impunité, cela figurait au point de divergence. À la surprise générale, maintenant ça se trouve parmi les points de convergence. La protection des politiciens qui rentrent au pays et leurs biens, cela se trouvait dans les points de convergence. Maintenant, ça se trouve dans les points de divergence. Cela nous a beaucoup surpris. Quant à la lettre écrite à son Excellence le Président de la République, quelque part, il confond le parti CNDD-FDD à la Commission nationale de dialogue inter-burundais. Est-ce par erreur ou il le fait sciemment? Un autre aspect à relever par rapport à la lettre, le facilitateur, si on regarde ce qu'il a écrit, il a perdu le caractère de facilitateur. Il n'a pas été impartial. Il a été partial. C'était Félicien Ndou Burundi. Il est président du Forum des partis politiques agréés au Burundi. Et 29 convois de rapatriés burundais ne sont pas venus suite à diverses raisons, notamment les fêtes religieuses des côtés burundais et tanzaniens. Cela contient dans un rapport de la Direction générale du rapatriement au ministère de l'Intérieur. Plus de 58 000 Burundais ont regagné leur bercail provenant de différents camps de réfugiés. Certaines communes ont accueilli plus de rapatriés que d'autres. C'est notamment les communes de Gisuru, Giterani et Giharo. Selon toujours ce rapport, le rapatriement a enregistré des défis, n'est-ce pas, Mireille Kanyang? Certains des défis pour le rapatriement, c'est notamment l'insuffisance du kit de retour qui ne peut pas couvrir les 3 mois comme prévu, ainsi que la nécessité d'une réintégration rapide car les rapatriés ont besoin des appuis multiformes pour leur autosuffisance, précise ce rapport de la direction du rapatriement qui recommande que le kit retour soit de 6 mois au lieu de 3, d'augmenter le cash de 60 à 100 dollars, de 40 à 60 dollars et de multiplier les formes de réintégration socio-économique. Ce rapport sur l'évaluation des activités du rapatriement en 2018 montre que 58 262 Burundais répartis en 19 255 ménages ont regagné la terre natale en 120 convois. Selon toujours ce rapport, certaines communes ont accueilli plus de rapatriés, c'est entre autres la commune Gisulu de la province Ruigi avec plus de 6 000, la commune Giterani de la province Muyinga ayant accueilli plus de 4 000, alors que la commune Giharo de la province Rutana a accueilli plus de 3 500. Les communes de Kayogoro et Nyanzalak de la province Makamba ont reçu chacune plus de 2 400 rapatriés, au moment où les communes de Busoni, Muyinga et Kinyinya ont accueilli plus de 2 000 rapatriés. Même si les 58 000 ont été rapatriés d'août 2017 au 13 décembre de cette année, la tripartite de mars 2018 Burundi HCR Tanzanie, tenue à Bujumbura, après celle tenue en Tanzanie, s'était fixée en objectif de rapatrier 72 000 Burundais avec ce mois de décembre à raison de 2 convois de 1 000 par semaine. Ce rapport de la direction du rapatriement précise que c'est suite à diverses fêtes des côtés tanzaniens et burundais que 29 convois ne sont pas venus. En perspective, souligne encore ce document, 116 000 Burundais seront rapatriés dans la dignité en 2019. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page éducation à présent, des parents d'élèves du lycée communal Nyungu de la commune Gasogo de la province Muyinga, nous sommes au nord-ouest du pays, demandent l'arrestation d'un homme soupçonné d'avoir déjà engrossé 3 filles en 3 ans successifs. Les administratifs annoncent que l'homme en question a pris le large, n'est-ce pas Diedonen Zeimana? En deuxième année post-fondamentale, section sciences au lycée communal Nyungu, commune Gasogwe, la classe est faite uniquement de filles. 8 au total, la 9e vient d'être définitivement renvoyée de l'école car étant enceinte. La classe risque d'être fermée si des mesures de protection ne sont pas prises, estiment des parents. Ils réclament l'application de la loi réprimant les violences sexuelles contre un homme orpailleur de Nyungu, auteur de la grossesse, la 3e pour 3 filles du même établissement en 3 ans successifs. Et le directeur du lycée et le directeur communal de l'enseignement affirment ne pas avoir de compétences de poursuivre un simple citoyen qui a engrossé des élèves. C'est une affaire d'administration et la justice. Le conseiller social de l'administrateur de la commune Gasogwe affirme être au courant du cas, mais que le présumé auteur de grossesse a pris l'orage. À Nyungu, certains des résidents sont convaincus. L'homme en question serait déjà arrêté s'il n'était pas couvert par certains administratifs à la base. C'est au moment où jeudi et vendredi, les responsables communaux des centres de développement familial et des représentants d'organisations luttant contre les violences liées au genre suivaient une formation à Muyinga sur la loi spécifique relative aux violences sexuelles et celles liées au genre. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana. Quittons le nord vers le sud où une marche et manifestation contre ceux qui ternissent l'image du Burundi, à l'instar de la radio BBC, a été organisée ce samedi dans la ville de Rumonge. Jean-Marie Nduimana, conseiller principal du gouverneur de la province Rumonge, qui a lu le communiqué du gouvernement burundais et relatif, appelle la population de Rumonge de ne pas se laisser distraire par ce qu'il qualifie de montage, mais de s'atteler aux travaux de développement, n'est-ce pas Jean-Pierre Misago? Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez. À la fin de cette marche et manifestation qui s'est terminée à la plage de Rumonge, comme d'habitude, Jean-Marie Ndouimana, conseiller principal du gouverneur de Rumonge, a lu aux participants dans cette marche et manifestation un communiqué du gouvernement burundais. Ce communiqué qualifiait la récente vidéo publiée par la BBC de montage sans nom échafaudé en collaboration avec un exilé burundais, propriétaire de la maison citée dans cette vidéo. Une vidéo élaborée afin d'empêcher les réfugiés burundais en général et les politiciens en particulier de rentrer au pays afin de se préparer pour les élections de 2020. Une mise en garde a été formulée dans ce communiqué contre la BBC qu'une action sera intentée en justice si elle ne retire pas cette vidéo, mais aussi aux autres médias nationaux ou internationaux qui tenteraient d'imiter la BBC. À la population de Rumonge, Jean-Marie Ndouimana appelle à la sérénité et ne pas se laisser distraire par ces informations qu'il a qualifiées de montage. Au chef collinaire, l'administrateur communal de Rumonge appelle à une forte mobilisation de la population aux prochaines marches et manifestations, une population qui n'avait pas répondu massivement ce samedi comme dans les précédentes marches et manifestations. Jean-Pierre Misago depuis la plage de pêche de Rumonge pour la radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Je vous informe que le gouvernement burundais participera au prochain sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est prévu au cours de ce mois de décembre le 27. Cela a été dit par Jean-Claude Karegwa, porte-parole du président de la République. Dans l'émission publique de ce samedi, Jean-Claude Karegwa affirme que même si le président ne se présente pas, il pourra envoyer son délégué suivi. En envoyant ces invitations à ce sommet, on s'adresse au président de la République. Celui-ci peut être représenté ou délègue une autre personnalité à sa place. Il y a des situations où il doit nécessairement être présent. Là-bas, c'est le cas, où il n'y a pas une autre personne qui peut aller et défendre les intérêts du pays. Ou encore, s'il n'y a pas une autre personne qui peut être à sa place. En matière de relations internationales, dans ces sommets, on invite le pays. Mais des invitations portent le nom du président de la République, lui qui représente le pays. Mais une autre personne peut recevoir la lettre, comme moi ou Nancy, ou comme toute autre personne. Dans cette situation, il faut savoir qu'il y a d'autres personnalités dans ce gouvernement auxquelles il peut en choisir une pour représenter le Burundi. Cette personne peut être un ministre, un de ses vices, un député ou un sénateur. Comme le ministre des Affaires de la communauté est-africaine l'a dit, le Burundi sera représenté et ses intérêts seront défendus. Le Burundi ne va rien perdre. Le Burundi ne va rien perdre parce que le président de la République lui-même n'est pas présent. S'il trouve qu'il est nécessaire, important, il peut décider d'y aller. Page environnement à présent. 80 000 plants d'arbres ont été plantés ce samedi en commune Kawezi de la province Bujumbura à l'occasion de la célébration de la journée nationale dédiée à l'arbre. Dans son allocution, le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, a demandé aux investisseurs de s'impliquer afin de trouver d'autres matériaux de construction et de chauffage autres que le bois suivi. Vous êtes tous conscients du rôle de l'arbre. Il sert d'abri. Il contribue aux précipitations. L'arbre est donc indispensable. C'est pourquoi le Burundi a décidé d'initier le projet Ewe Burundi Rambaye qui consiste à planter les arbres afin que le Burundi ait un bon paysage. Vous connaissez aussi le rôle de l'arbre dans la construction et dans le chauffage ou l'éclairage. Et vous savez que chaque fois que le Burundi était bouleversé de crise, les personnes et les arbres étaient décimés. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à ce que le Burundi ne tombe plus dans le gouffre pour décimer les arbres et les personnes. Et nous voulons que tout le monde prenne pour soi ce projet. Comme une personne qui naît, elle a besoin d'être éduquée pour devenir adulte. C'est la même chose pour un arbre. Nous avons planté les arbres, mais il ne faut pas rester les bras croisés. Nous avons remarqué des arbres que nous avons plantés et qui ont servi de pâturage pour les chèvres. Nous demandons aux investisseurs, aux commerçants, de songer aux matériaux durables pour la construction. C'est pourquoi le gouvernement burundais souhaite que ces matériaux soient multipliés et nous allons faciliter dans l'exonération ou le dédouanement pour le bien-être de ce projet Ewe Burundi Urambaye. Les cérémonies de cette journée ont vu la participation du ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, celui de la télécommunication ainsi que les hauts gradés de l'armée et de la police. Une journée célébrée sous le thème « Une gestion durable des forêts et des centres urbains ». Et pour clore cette édition, les doses de vaccination contre la rage ont été insuffisantes en province Gitega lors de la campagne de cette vaccination des chiens qui a pris fin ce vendredi selon le médecin vétérinaire en province Gitega. Pour lui, seules 187 doses avaient été rendues disponibles au moment où il fallait plus de 500 doses. Ceux dont leurs chiens n'ont pas été vaccinés grognent. Correspondance Gérard Nibigira. La campagne de vaccination des chiens contre la rage a eu lieu de ce jeudi à ce vendredi dans tout le pays, comme l'indique le médecin vétérinaire en province Gitega, Daniel Nyawenda. Il précise que dans la province de Gitega, les doses ont été trop insuffisantes à tel point que beaucoup de chiens n'ont pas été vaccinés. Ainsi, seules 127 doses ont été rendues disponibles au moment où le médecin vétérinaire en province Gitega dit qu'il fallait plus de 500 doses. Il ajoute qu'il y a 42 doses de vaccins antirabiques non utilisés en province Karoussi qui ont été transmises à Gitega pour compléter ce qui avait amené les chiens au vaccin et dont les chiens n'ont pas été vaccinés grognent. Du moment que ce vaccin était gratuit, alors qu'en principe, le coût d'un vaccin antirabique d'un chien varie de 7 000 à 10 000 francs. Néanmoins, Daniel Nyawenda les tranquillise en disant qu'il y a encore 53 doses non utilisées en province Makamba qui seront utilisées pour vacciner les chiens de Gitega la semaine prochaine. Toutefois, il mentionne que les doses restent toujours insuffisantes dans la province de Gitega. Il souligne également que le gros des chiens vaccinés dans cette province sont de la ville de Gitega, avec quelques chiens venus de seules deux communes, Guieta et Makebuko. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. C'est par ici que nous mettons point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Eli Kadogo pour sa parfaite collaboration technique. Dans quelques instants, vous allez suivre la revue de la presse. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Ouvrons cette revue de presse par le chapitre éducation, avec cette annonce de l'introduction progressive des langues dans l'enseignement fondamental. Un projet de décret prévoyant l'intégration progressive des langues dans le cursus d'enseignement des trois premiers cycles du fondamental a été adopté par le Conseil des ministres de ce mercredi 12 décembre 2018. Le journal La Voix de l'enseignant revient sur les rapports d'inspection dans les écoles et les témoignages fondamentaux mentionnant plusieurs difficultés d'enseigner et d'apprendre simultanément quatre langues dès la première année de l'école fondamentale. Ces difficultés sont notamment la faible maîtrise de ces langues par les enseignants, particulièrement l'anglais et le swahili, les confusions et les interférences linguistiques faites par les élèves, ainsi que la diminution du temps consacré à la langue maternelle suite à l'introduction des langues étrangères. Ce journal précise que ce projet de décret prévoit qu'en première année sera enseigné le kirundi par écrit et le français à l'oral. À partir de la deuxième année, les élèves apprendront le français par écrit. La langue anglaise sera intégrée dans les cours de la troisième année sous forme orale et écrite l'année suivante. Enfin, le swahili sera d'abord appris oralement en cinquième année et sous forme écrite les années suivantes. La voix de l'enseignant rappelle que les enseignants et les parents ont toujours exprimé des inquiétudes. Et nos confrères du journal Iwachu, parlant de ce conseil des ministres de mercredi 12 décembre, évoquent un projet de décret portant institution d'une prime d'éloignement pour les enseignants du fondamental, du post-fondamental et du professionnel, et précise qu'une équipe a été mise sur pied pour l'approfondir durant une période de 2 mois. Cet hebdomadaire parle aussi dans sa parution de cette semaine des relations tendues entre Kigali et Bujumbura sous le titre évocateur de son éditorial « Quand les mots attirent les mots ». considérant que ce n'est qu'à partir d'une lettre officielle que le président burundais a écrit au président ougandais que l'on a commencé à mesurer l'ampleur du conflit. C'est en page intérieure que ce confrère évoque la réponse du président Museveni dans laquelle il donne rendez-vous le 27 décembre prochain, date du prochain sommet des chefs d'État de l'EAC et dans laquelle il promet que des questions soulevées par Bujumbura seront abordées à cette occasion. Revue de la presse. L'agence burundaise de presse rapporte un point de presse qui a eu lieu en marge d'un atelier organisé par l'ONG Parsem, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et le Changement des Mentalités, et au cours duquel un expert économiste a montré que la mauvaise conception des projets est le principal obstacle à l'accès au crédit bancaire chez les jeunes chômeurs en quête d'activités rémunératrices après leurs études universitaires. La BP note que l'expert Eugène Hategekimana a encouragé les institutions bancaires local a instauré des taux de crédit préférentiels et a accordé des délais de grâce de 6 mois, par exemple, aux jeunes entrepreneurs burundais afin que le commencement du remboursement des crédits contractés concorde avec la période de rentabilité des projets financés. Économie toujours avec Burundi Echo qui parle du commerce et des fruits devenus florissants, surtout dans les centres urbains, même si les rares unités de transformation des fruits en jus ou encore en confiture peinent à absorber toute la production. Il souligne que la Banque mondiale offre une opportunité aux entrepreneurs pour développer la filière fruits à travers le projet de développement local de l'emploi qui est en don d'un montant de 50 millions de dollars et qui comprend dans ses composantes le soutien au développement des chaînes de valeur. Quand la Cour anticorruption frappe les hommes de petit calibre, titre Net Press, qui considère que celui qui a dit que la Cour anticorruption évite soigneusement de frapper les gros poissons n'avait pas tort, au regard d'une audience publique de ce jeudi 13 décembre à Bujumbura, où la Cour anticorruption a instruit quelques dossiers de personnes poursuivies de détournement de fonds publics, des enseignants, des directeurs de lycée et d'autres qui, les uns, ont continué à toucher leur salaire de façon indue, qui d'autres ont détourné des frais de laboratoire ou des frais de livre, et qui d'autres encore accusés de vendre l'engrais chimique de façon frauduleuse. D'après ce confrère en ligne, certains de ceux qui suivaient l'audience ont trouvé qu'il y a ceux qui détournent des montants 100 fois supérieurs mais qui ne sont pas du tout inquiétés par la justice. Pour d'autres, c'est la raison pour laquelle l'on ne crée pas une haute cour de justice dont la mission serait justement de juger les personnes haut placées du pays qui seraient également tentées de prélever quelque chose sur les biens publics quand en la matière, nombreux sont ceux qui affichent toujours une indifférence intéressée. Et c'est la fin de cette revue de presse présentée par Francine Ndiokougayo et Jean-Bosco Ndouimana. À samedi prochain.